Yellow original style. La vie n'est pas un love tranquille. Les océans se défoulent et la haine est dans nos esprits. Chaque matin, chaque nuit, yeah. La vie n'est pas un love tranquille. Les océans se défoulent et la haine est dans nos esprits. Chaque matin, chaque nuit. Combien ont perdu la vie, boy? Et combien sont devenus fous? Mettons-le debout, les frères, ne restons pas assis. Pourquoi consommer la vie si elle est trop assise? Localise, localise, localise, localise, yeah. La bonne direction, prends la bonne direction, parce que j'ai l'original style. Do them something, we are go to them shop. Do them something, we are go to them shop. Parce que j'ai l'original style. Gross story. I know. No. I got the original style. Original style. Sure, man.